Alors, vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL 89.1. Qu'est-ce qui différencie vraiment l'homme des autres espèces animales? Est-ce son intelligence, sa capacité à utiliser des outils ou encore, plus tristement, le fait qu'il soit le dernier représentant hominidé? Et si c'était plutôt la musique qui rendait l'homme unique? Alors cette semaine, à travers la lunette de l'archéologie, notre chroniqueuse Marie-Claude Dion nous apporte un regard nouveau sur ce qu'est l'être humain. Alors bonjour Marie-Claude. Bonjour Jean-Daniel. Je me disais que vu qu'on est encore en début de saison à Futur Simple, qu'on pouvait peut-être redonner un peu l'intérêt à l'archéologie à nos auditeurs. Et donc, comme on l'a mentionné, je vais vous parler aujourd'hui des nouvelles un peu inusitées en archéologie, entre autres l'archéologie des primates, l'homme de Flores et l'archéologie musicale aussi. Alors, avant de pouvoir faire de la musique, Marie-Claude, l'homme a bien dû devoir utiliser des outils pour sa survie. Alors, à quel moment l'homme ou ses descendants primates ont-ils d'abord utilisé des outils? Il y a vraiment très longtemps, en fait. Mais il faut rappeler que l'archéologie est tout d'abord une science sur l'humain, sur les vestiges et sur les restes humains, qu'ils soient dans les temps immémoriaux ou plus récents encore. Et les archéologues, récemment, ont mis en place une discipline qui était consacrée à l'histoire de l'utilisation des outils chez les primates, dans le but de mieux comprendre l'évolution humaine. Parce que jusqu'au 21e siècle, en fait, il n'y avait aucun discours entre les deux disciplines qui sont au cœur de ça, c'est la primatologie et l'archéologie. OK. Mais là, ce qu'il faut savoir, ce dialogue-là, interdisciplinaire, est nécessaire, en fait, pour mieux comprendre le phénomène qui est à l'œuvre en ce moment. Parce que voilà une soixantaine d'années, les primatologues avaient déjà observé l'utilisation au présent d'outils chez les primates, comme des branches ou des pierres aussi. Et les archéologues, de l'autre côté, conçoivent seulement que l'utilisation des outils est essentiellement faite par l'humain. Alors que les humains et les primates ont une branche commune, en fait. Exactement. Il y a des ancêtres communs dans l'arbre généalogique des hommes. Il faut savoir que plusieurs espèces animales vont utiliser des outils, là, et Adèle, justement, va nous en parler. Absolument, on va en parler plus tard dans l'émission, oui, effectivement. Et l'utilisation des outils par les primates a attiré une attention particulière justement par l'ancêtre commun des hominidés qui pourrait peut-être nous donner des petites idées à comment on a fait l'évolution. Il faut savoir que les hominidés ont connu des outils dans leur histoire. Là, les hominidés ont été sur le terrain voilà 2,4 millions d'années, puis déjà à l'époque, il y avait une certaine technologie chez eux. OK, donc l'utilisation d'outils, ça date d'assez longtemps chez l'humain, à tout le moins. Alors, quel genre d'outils utilisaient ces premiers hominidés-là? C'était des outils en pierre, façonnés en pierre avec un style qu'on va appeler oldowayen, et ça démontrait déjà à l'époque une certaine complexité, soit dans la planification de la confection de l'outil, aussi une certaine dextérité, ainsi qu'une coordination spatiale. Donc un style oldowayen, on peut décrire ça comme étant... En fait, le meilleur outil, c'est un outil à peu près grosse comme la main, le biface, qui va être façonné pour couper certaines... Oui, une sorte de petit couteau en pierre, si on veut. Exactement. Et là, ce qui arrive, ce qui est intéressant, c'est que vu qu'il y a une technologie déjà assez développée chez l'hominidé dans le style oldowayen, on pourrait croire qu'avant, il y avait un style plus rudimentaire chez les primates. Et ultimement, c'est toutes des ancêtres qui peuvent être soit décalés dans le côté primate ou dans le côté humain. Donc, c'est ça qui va un peu changer la donne. Parce que les archéologues des primates affirment que les récentes découvertes présentes chez les chimpanzés... En fait, c'est pas juste les chimpanzés. Les primates, en général, vont quand même utiliser les outils. De l'autre côté, les preuves archéologiques que les chimpanzés ont en ce moment avec la nouvelle discipline, ça force quand même à vouloir changer la confection, la conception que les outils, c'est juste pour les hommes. C'est clair que maintenant, ça va au-delà de la branche là, Homo sapiens. Les primates aussi utilisaient, leurs ancêtres utilisaient des outils, des eux outils également. OK. Alors, restons par contre chez les hominidés pour parler maintenant de l'homme de Flores. Alors d'abord, c'était qui cet homme de Flores là? L'homme de Flores, c'est un hominidé qui est représentant là d'une espèce disparue qui a été découvert en 2003 en Indonésie sur l'île de Flores, d'où son nom. La particularité de cet homme là, c'est sa petite stature. On va aussi l'appeler le Hobbit là quelquefois parce que c'est une sorte de nain si on veut. Oui, tout à fait, il est tout petit, il mesurait à peine un mètre. Et il pouvait se tenir debout. D'ailleurs, la bipédie, elle est attestée par la position du trou occipital qui relie, mais en fait, à la base du cou, qui va relier la colonne vertébrale. OK, donc une colonne vertébrale droite, qui est, donc ça traduit quelqu'un qui marche. Il était debout tout le temps. Debout, d'accord. Et l'homme de Florès, est-ce qu'il était proche de l'Homo sapiens que nous sommes aujourd'hui? Est-ce qu'il y avait des différences? C'est ça qui est un peu difficile, là, qui va être un peu contesté encore aujourd'hui, parce qu'on dit que c'est un hominidé, oui, mais on le rattache pas nécessairement à l'homme... à l'Homo sapiens. Et ben d'ailleurs, j'en parle aujourd'hui parce que tout récemment, il y a eu un nouveau débat qui a été soulevé. Un article est paru au mois dernier dans le Proceedings of National Academy of Science qui disait que ce petit homme-là, cet hominidé-là, était enfin un Homo sapiens, donc vraiment notre descendant le plus proche, mais avec le syndrome de Down. Okay. Le syndrome de Down, ça, c'est la maladie, la trisomie 21. Là, exactement. Ça, voilà. Mais en fait, ça l'a soulevé un tollé parce que là, la communauté scientifique dit non, non, non, non, c'est pas vrai. L'homme de Florès, c'est un hominidé sans plus. Ce n'est pas un Homo sapiens. Okay. D'ailleurs, les détracteurs de l'article qui a été publié ont abordé quand même un précieux élément. C'est que l'article n'avait pas d'image d'un squelette d'individu atteint du syndrome de Down. C'est quand même particulier. Oui, fait qu'on ne pouvait pas comparer facilement ce que l'auteur disait. OK. Et au fond, c'est un peu un exemple de sélection de données. On a choisi les données qu'on allait présenter, si on veut. Donc, il faut prendre en compte toutes les pièces à conviction dans le processus d'analyse scientifique. Ben exactement, c'est bien dit. Les scientifiques ont aussi pointé le doigt sur les éditeurs qui ont aussi mal fait, disons, un peu leur travail, en laissant les auteurs de l'article échapper au petit règlement de l'examen par les pairs, qui normalement se fait de façon indépendante, où personne ne sait qui est sur le comité de sélection. Mais on l'a laissé faire parce que l'un des auteurs faisait partie de l'académie. Donc, juste pour mal faire. Donc, une sorte de boys club, au fond. Tout à fait, c'est bien dit. Puis en plus, il faut savoir que un des auteurs, les auteurs en entier n'ont pas de qualification archéologique ou anthropologique. Okay. Donc, il y en a un d'ailleurs qui est hydrologue, donc ne peut pas vraiment apporter quelque chose de nouveau, surtout pas à propos de la maladie de Down sur des squelettes. Et pour reprendre les mots de William Youngers, un anthropologue, il dit que tout ceci fait une preuve de mauvaise science, malheureusement, et que c'est truffé d'erreurs de fait. Puis d'ailleurs, ce qui est un peu plate, c'est que cet article-là apporte rien de nouveau. On sait toujours pas pourquoi cette petite homme-là a cette grandeur-là. OK. Bon. Reste encore plus d'informations à aller chercher sur l'homme de Florès à ce moment-là. Ah, tout à fait. Et maintenant, il y a certains de ces premiers outils fabriqués par nos ancêtres qui vont être, de ces outils-là, en fait, vont être les instruments de musique, évidemment. Et c'est ce qu'on étudie spécifiquement en archéologie musicale, et là, je parle pas de vieux disques qu'on dépoussière, il y a vraiment une science qui s'appelle l'archéologie musicale. Quand est-ce qu'on a commencé à s'intéresser à ça, Marie-Claude? C'est quand même une science assez jeune, à partir des années 90 jusqu'à 2000. Puis ça reste toujours un peu disparate, là. C'est très peu connu et reconnu. Mais c'est un type d'archéologie qui se base à la recherche sur les instruments, l'acoustique aussi, ou la musique en général, dans une perspective, bien entendu, très ancienne. On veut reconstituer une pratique sonore, soit une pratique instrumentale, dans une époque donnée qui va être précédente de celle dite moderne. La discipline va observer les éléments paramusicaux, comme la sociologie, l'histoire et la technique aussi. Les différentes sources, ça peut être les objets, les instruments, c'est plutôt rare, mais on va se fier souvent à l'iconographie, donc les peintures murales, des miniatures, des peintures sur vase ou la sculpture aussi sur pierre. Lorsqu'on parle de la préhistoire, il y a un grand nombre de découvertes archéologiques qui ont été faites au niveau des objets, mais ça reste, on est toujours en discussion à savoir si c'est, premièrement, il y a une origine anthropique, donc humaine, ou même si l'utilisation a été faite pour produire... Pour la musique, effectivement. Exactement, produire des sons. Non. Et dans l'ensemble, les matières utilisées, c'était en os qu'on a retrouvé, mais encore là, ça peut être susceptible de la conservation différentielle. Et rapidement, en terminant, Marie-Claude, est-ce que tu as quelques exemples d'instruments que les hommes de la préhistoire pouvaient utiliser, par exemple? On a trouvé la rombe, qui est en fait juste une plaque d'os, probablement de mammouth, avec un trou dedans qu'on faisait tourner autour d'un fil. Et il y a le guirot aussi, qu'on reconnaît encore aujourd'hui, qui est une calebasse avec des stries qu'on va gratter avec un autre morceau, avec une baguette. Et c'est des objets qu'on trouve au... Un peu comme le poisson, là, l'instrument le poisson qu'on utilisait au primaire. Exactement. Exactement. C'est le guiro qu'on retrouve à l'époque moustérienne dans le paléolithique. Parfait. Et c'était fait en os de mammouth, ça, c'est la ça? La plupart du temps, ça devait en fait des ossements assez rigides qui pouvaient garder un son assez produit, qui pouvaient produire du son, pardon, et rester longtemps, donc être utilisé de génération en génération. Fascinant. Donc, qui sait, mais peut-être on connaît pas encore le son, on connaît pas le son qui pouvait être produit par ces instruments-là à l'époque, mais peut-être qu'on va retrouver un jour des partitions paléolithiques. Marc-Claude, merci beaucoup pour cet éclairage sur la nature de l'homme. Peut-être que finalement, c'est l'art qui nous différencie simplement des autres animaux. Merci, Marc-Claude. Merci, Jean-Denis. Et on enchaîne maintenant avec une pièce musicale d'Antoine Corriveau, La ville d'où l'on vient. Au retour, Karine Gravel nous parle de légumes et d'odeurs désagréables. Restez avec nous.